إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، اعلموا رحمني الله وإياكم أن المسلمين أجمعوا على أن الصلوات الخمس أحد أركان الإسلام، وأن من جحدها وأنكر وجوبها فهو كافر مرتد خارج من الإسلام، وأن من استهزى بها أو من استخف بها فذاك عنوان ضلاله وشقائه، فهي الترجمان لما في القلب من الإيمان. ومن أدى هذه الصلوات الخمس دل على إيمانه، ومن تخلى عنها دل على شقائه. قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ويقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: بين العبد والكفر ترك الصلاة. ولهذه الصلوات الخمس خصائص ليست لغيرها من سائر العبادات. فمن خصائص هذه الصلاة أن طريق فريضتها خارج عن جميع الفرائض الإسلامية، فكان جبريل عليه السلام ينزل بالوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بفريضة أو تحريم أو نحو ذلك. أما الصلوات الخمس فكان فريضتها ليلة عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، فخاطبه الله عز وجل بالصلاة وأمره بها 50 صلاة. فما زال نبينا صلى الله عليه وسلم يتردد بين ربه وموسى، وموسى يقول لمحمد: اسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. فجعله الله خمسا بالعمل، 50 بالثواب. وقال كما جاء في صحيح البخاري في الحديث القدسي: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. Sachez, chers musulmans et musulmanes, que les musulmans sont unanimes que les 5 prières font partie des piliers de l'islam, et que celui qui renie l'obligation de ces 5 prières sort de l'islam, wal'iyadhu billah. Et celui qui se moque ou qui fait baisser de la valeur de cette prière, cela est l'emblème de l'égarement et du malheur de cette personne. Et celui qui accomplit ces 5 prières, cela prouve sa foi en Allah Azza wa Jal. Quant à celui qui ne les accomplit pas, cela montre son malheur. Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet des hypocrites: selon le sens, les hypocrites cherchent à tromper Allah, mais Allah retourne leur tromperie contre eux. Et lorsqu'ils se lèvent pour la prière, ils se lèvent avec paresse et par ostentation envers les gens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: le pacte qu'il y a entre eux et nous est la prière, celui qui la délaisse a alors mécru. Et il dit aussi alayhi salatu wassalam: entre le serviteur et la mécréance, il y a le fait de délaisser la prière. Sachez, chers musulmans et musulmanes, que ces 5 prières ont des particularités qu'ont non pas les autres adorations à Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ces particularités est que le fait que ces prières aient été rendues obligatoires n'a pas été rendu obligatoire de la même façon que les autres recommandations de l'islam. Jibril alayhi salam avait l'habitude de révéler au prophète sallallahu alayhi wa sallam la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jibril alayhi salam avait l'habitude de faire parvenir au prophète sallallahu alayhi wa sallam la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit une obligation ou une interdiction ou autre. Quant à ces cinq prières, elles ont été rendues obligatoires la nuit de l'ascension, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a voyagé de la Mecque vers Jérusalem, puis de Jérusalem il est monté vers les cieux sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est au-dessus de ces cieux qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et lui a ordonné directement, sans intermédiaire, d'accomplir 50 prières. Et notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne cessait de partir entre Allah azza wa jal et le prophète d'Allah Moussa alayhi salam, car Moussa alayhi salam lui disait: demande à ton Seigneur d'alléger, car ta communauté ne pourra pas supporter cela, à savoir le fait d'accomplir 50 prières par jour. Allah azza wa jal a au final ordonné d'accomplir 5 prières uniquement, mais qui auront la récompense de 50. Et il dit subhanahu wa ta'ala, comme le rapporte le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith Qudusi: j'ai fait en sorte que mon obligation persiste et j'ai allégé pour mes serviteurs. هذه الصلوات سماها الله إيمانا وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. هذه الصلوات الخمس جاء ذكرها مع كثير من الأوامر. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقال سبحانه: فصل لربك وانحر. وقال سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ومن خصائص هذه الصلاة أن الله عز وجل أمر نبيه بالاستبار عليها: وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها. ومنها أن الله عز وجل افترضها على جميع المسلمين، فعلى كل مسلم بالغ افترضها الله عز وجل على جميع المسلمين، على كل مسلم بالغ عاقل يطالب بها المريض كما يطالب بها الصحيح، ويطالب بها المسافر كما يطالب بها المقيم، فلا تسقط الصلاة بمرض ولا سفر، وإنما تجب على المريض والصحيح والمسافر والمقيم، إلا أن الله عز وجل تفضل بفضله العظيم فخفف بعض شروطها وبعض عددها وأفعالها. يقول عليه الصلاة والسلام للمريض: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وجعل الله لها الطهارة شرطا لصحتها، يقول الله تعالى: وثيابك فطهر، فطهر ثوبك. فالطهارة مشروطة للصلاة، طهارة للثوب، وطهارة للبقعة، وطهارة الجسد. قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومن خصائصها أن الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل جعلها عبادة تعم القلب واللسان والجوارح. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que cette prière, Allah Azza wa Jal l'a appelée la foi. Lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala sur le sens dans surat al-Baqarah: ce n'est pas Allah qui vous fera perdre la récompense de votre foi, c'est-à-dire la récompense de vos prières. Ces cinq prières, Allah subhanahu wa ta'ala les a citées avec plein d'autres obligations. Il dit subhanahu wa ta'ala dans surat al-An'am, les bestiaux: dis, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, le Seigneur des mondes, point d'associer à lui. Et il dit Azza wa Jalla dans surat al-Kawthar: et accomplis la prière pour ton Seigneur et sacrifie pour lui. Et il dit subhanahu wa ta'ala dans surat al-Nur: et accomplissez la prière et acquittez-vous de la zakat et obéissez au prophète afin que vous ayez la miséricorde. Parmi les spécificités de cette prière, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire preuve de persévérance vis-à-vis de celle-ci. Il dit subhanahu wa ta'ala son le sens, et ordonne à ta famille la salat et fais-la avec persévérance. Également parmi les spécificités de cette prière, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné à l'ensemble des musulmans, cette prière est obligatoire pour tout musulman qui a la raison et qui a atteint l'âge de la puberté. Cette prière, il est demandé aux malades comme à la personne en bonne santé de l'accomplir. Il est demandé aux voyageurs comme aux résidents de l'accomplir. Ainsi, personne n'est exempt de cette prière. La prière n'est pas exemptée ni pour cause de maladie, ni pour cause de voyage, mais elle est bel et bien obligatoire, à la fois pour le malade et celui qui est en bonne santé, et à la fois pour le résident et pour le voyageur. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, de par ses mérites immenses subhanahu wa ta'ala, a allégé à sa communauté, et Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que, dans certains cas de figure, certaines conditions de la prière sont allégées, que le nombre de raka'at est diminué, ainsi de suite. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'est adressé à un malade, « Prie debout, si tu ne peux pas, prie alors assis, si tu ne peux pas, prie alors allongé sur le côté. » Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait de la purification une condition d'acceptation et de validité de la prière. Il dit subhanahu wa ta'ala à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tes vêtements purifient. Ainsi, il est comme condition pour la prière le fait d'avoir des vêtements propres, de prier dans un endroit pur et d'avoir le corps également purifié. Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse au fils d'Adam en disant son le sens, ô fils d'Adam, dans chaque lieu de prière, portez votre parure, c'est-à-dire vos vêtements. ومن خصائصها أنها دين أمر الله بها في جميع الشرائع فهي من أخلاق الأنبياء عليهم السلام فما نبي من الأنبياء إلا والصلاة في شريعتهم يقول الله جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ويقول عن إسماعيل عليه السلام وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا ويقول عيسى عليه السلام وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا والصلاة من آخر وصية أوصى بها نبينا صلى الله عليه وسلم أمته بآخر حياته وكان عليه الصلاة والسلام يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم يغرغر بها عليه الصلاة والسلام ولا يقدر النطق بها. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que parmi les spécificités de la prière est que c'est une adoration qui englobe à la fois le cœur, la langue et les membres du corps. Parmi les spécificités de cette prière est que c'est une adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné d'accomplir dans l'ensemble des législations. Ainsi, la prière faisait partie des caractéristiques des prophètes. Il n'y a pas un prophète sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui ait ordonné d'accomplir la prière. Allah azza wa jalla a dit au sujet d'Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il a dit « Ô Seigneur, fais que j'accomplisse assidûment la prière ainsi qu'une partie de ma descendance ». Et Ismaïl alayhi salam a dit, comme le rapporte Allah Azza wa Jal, « وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ » Et il ordonnait à sa famille d'accomplir la prière et de s'acquitter de la zakat, et il était agréé auprès de ton Seigneur. Isa alayhi salam, Jésus fils de Marie a dit, comme nous le rapporte Allah Azza wa Jal dans sourate Maryam, « Et il m'a recommandé, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal, tant que je vivrai, la prière et la zakat. » Sachez également que la prière est l'une des dernières recommandations qu'a dirigé le prophète sallallahu alayhi wa sallam envers sa communauté dans les derniers instants de sa vie. Il disait, alayhi salatu wassalam, la prière, la prière, et ce que vos mains possèdent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait ces paroles alors qu'il était extrêmement faible et ces paroles étaient à peine audibles de sa part sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ثم اعلموا أيها المسلمون أنه لما كانت للصلاة تلك الخصائص والمميزات كان لها فضائل عظيمة ومن فضائلها أنها خير الأعمال عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا أي لن تحصوا ثواب الله عليكم إن استقمتم واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ومن فضائل هذه الصلوات الخمس أنها سبب لصلاح العمل يقول عليه الصلاة والسلام إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر ومنها أنها سبب للنهي عن المنكرات والتخلق بالأخلاق الفاضلة قال الله عز وجل أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وهذه الصلوات عنوان لك على كل الأعمال يقول الله عز وجل وهذه الصلوات عون لك على كل الأعمال قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين والصلوات الخمس مكفرة للذنوب والسيئات التي قبلها يقول عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر ومن خصائصها أنها قرة عين للمؤمنين وراحتهم يقول عليه الصلاة والسلام حبب لي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que de la même façon que cette prière a des spécificités et des choses qui la distinguent des autres adorations, cette prière a également de nombreux et d'immenses mérites. Parmi ces mérites, c'est que la prière est la meilleure des œuvres. Selon Thauban radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Faites preuve de droiture et vous ne sauriez compter, c'est-à-dire vous ne sauriez compter et vous ne sauriez prendre en compte la mesure de la récompense qu'Allah Azza wa Jal vous accorde lorsque vous faites preuve de fermeté et de droiture dans le droit chemin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et sachez que les meilleures de vos actions sont la prière. Parmi les mérites de ces cinq prières et qu'elles permettent aux autres actes d'être bons, il dit sallallahu alayhi wa sallam, la première chose sur laquelle sera jugé le serviteur le jour du jugement sera la prière. Si elle est bonne, alors il connaîtra la réussite et connaîtra la félicité. Par contre, si elle est mauvaise, il aura alors perdu. Également, cette prière est une cause qui permet aux musulmans de s'éloigner et d'éviter le mal et les turpitudes et de se comporter de noble caractère. Il dit, subhanahu wa ta'ala, en s'adressant à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, récite ce qui t'est révélé du livre et accomplis la prière. En vérité, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Également, ces prières sont une aide pour toi afin d'accomplir les autres adorations à Allah, subhanahu wa ta'ala. Il dit, subhanahu wa ta'ala, selon le sens, ô vous qui avez cru, aidez-vous de l'endurance et de la prière, car Allah aime les endurants. Ces cinq prières sont des moyens d'expiation des péchés. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, les cinq prières, entre le vendredi et le vendredi, Entre le ramadan et le ramadan, il y a un moment d'expiation des péchés tant que les grands péchés sont abstenus. Également, parmi les spécificités et les mérites de cette prière, c'est que c'est la prunelle des yeux vis-à-vis des croyants. C'est la prunelle des yeux pour les croyants. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé un jour à ses compagnons radiyallahu anhum et leur a dit: il m'a été fait aimer de cette vie d'ici-bas les femmes et le parfum, et la prunelle de mes yeux se trouve dans la prière. Ayyuha al-muslimun, addu hadhihi al-faridata ta'atan lillah, wa shkuru Allah alladhi faradaha alaykum, lianna fi faridatiha thawaban azima wa ajran kabira, fahmadu Allah an faradaha alaykum لتنالوا رضوانه وجنته، واشكروا الله على هذه النعمة، وقووا أنفسكم على فعلها، واحرصوا حرصا على أدائها، وأمروا أهليكم من بنين وبنات بها، فإنها خير الخصال، واحذروا التهاون بها والاستهتار بها، فإن ذلك من الخسران العظيم، وأدوها كما أمر الله بطمأنينة وخشوع في أركانها وقراءتها وركوعها وسجودها، واسألوا الله التوفيق. والله تعالى يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فحافظوا أيها المسلمون على هذه الصلاة، وإياكم أن يخدعكم الشيطان عنها. أدوها في كل أوقاتها، أدوها خمسا في أوقاتها، واحرصوا على ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que vous devez accomplir cette prière en obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, et que vous devez être reconnaissant vis-à-vis de votre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, de vous avoir prescrit cette obligation. Car de découle de cette obligation d'accomplir la prière de nombreuses bonnes actions et une immense récompense auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Remerciez votre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, de vous avoir rendu obligatoire cette prière afin de bénéficier de sa satisfaction azza wa jal et de pouvoir entrer dans son paradis. Soyez reconnaissant vers Allah de par cet énorme bienfait dont il vous a comblé. Et soyez motivés et renforcez-vous les uns les autres dans l'accomplissement de celle-ci. Ordonnez vos familles, ordonnez à vos femmes, à vos enfants, garçons et filles, de l'accomplir, car c'est la meilleure des œuvres. Et prenez garde à tout délaissement et à tout relâchement vis-à-vis de cette prière, car cela serait la cause de votre perdition éternelle. Accomplissez cette prière comme Allah Azza wa Jal vous ordonne de l'accomplir, avec sérénité et quiétude, avec concentration, en accomplissant ses piliers comme il se doit, en lisant le Coran comme il se doit, en accomplissant les inclinaisons et les prosternations comme il se doit, et demandez à Allah Azza wa Jal de vous faciliter l'accomplissement de celle-ci. Allah Azza wa Jal dit son le sens: ceux qui ont cru et qui ont accompli de bonnes œuvres et qui ont accompli leurs prières, qui se sont acquittés de la zakat, à eux une immense récompense auprès de leur Seigneur. Point de peur pour eux et ils ne seront point attristés. Préservez cette prière et prenez garde à ne pas être dupé et à ne pas être la proie et la victime du diable concernant un quelconque délaissement partiel ou total de la prière. Wal'iyadhu billah. Accomplissez la prière à son heure, accomplissez les cinq prières à son heure et concurrencez-vous dans cela. Allah subhanahu wa ta'ala dit son le sens: la prière demeure pour les croyants une prescription à des temps bien déterminé. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما جهلنا. اللهم اجعلنا ممن يؤدون الصلاة حق الأداء. اللهم اجعلنا من الراكعين الساجدين. اللهم اجعلنا من الراكعين الساجدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.